Bonjour, alors attends, je règle ça. Est-ce que tu vas bien? Ça va, on se prend plein dans la figure je dirais, la bêtise et la peur des gens. Surtout quand les gens qui regardent uniquement la carte de France avec la moitié rouge et la moitié verte. Ouais. En fait, on a des gens qui sont dans la moitié verte qui présentent que. Tous ceux qui sont dans l'Est sont des pestiférés, ouais. Donc on est prié de rester chez soi, voilà. Ah bon? C'est intéressant. Non mais c'est vrai? C'est ça. Ah bon? C'est ça. On devait, par exemple, on devait aller garder notre petit-fils, ouais. Donc à Clisson. Ouais. On doit aussi aller chez les parents de Sylvie. Alors oui. On a... Le docteur nous a envoyé un message comme quoi, une ordonnance en gros, disant qu'on pouvait venir les voir, il n'y avait pas de problème, etc. Par contre, pour garder le petit, il y a la nounou, en fait, qui refuse de garder le petit une fois qu'on l'aurait vu. Donc, il faudrait que si on aille le voir, il faudrait qu'en fait, il passe sa quarantaine de 14 jours après, avant de revoir sa nounou. D'accord. D'accord, ça c'est intéressant. Ouais, mais on en arrive bien au fait que si on avait des tests plus facilement, ben, les problèmes ne se poseraient pas. Parce que la nounou, tu dirais, je suis testé, voilà, je suis tout clean, pas de soucis, etc. Quoi. Bon, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu veux ? C'est ça. Donc, on est en fait dans des raisonnements qui sont sur la peur, donc il n'y a pas de raisonnement. En fait, c'est hors raisonnement. Tout à fait. Donc, tu vas aller à Paris et puis tu vas pas aller. Et on reviendra après, quoi. Bon, bien. Bon, dommage. Bien, bon, alors, j'ai vu que tu t'es lâché sur Dropbox. Là, j'y suis rentré parce qu'en plus, j'ai reçu un message de Dropbox me donnant quelques pistes d'entrée dedans sur Paper. Ouais. Donc, je suis rentré dedans et puis j'ai commencé à voir ça. Qu'est-ce que tu en penses dans l'ensemble? Au départ, je me disais, bon, qu'est-ce que ça a de plus par rapport à Drive, par exemple? En fait, on a des documents qui sont un peu plus interactifs puisque on peut mettre des commentaires sur différentes photos, sur des parties de dossiers, enfin c'est assez intéressant. Hein. Ça m'a paru intéressant, Je voulais que tu le valides, toi, de ton côté. J'ai vu que tu avais donné des droits à certains et pas à d'autres. C'est voulu? C'est moi. J'ai donné des droits à moi et à moi et à moi. C'est tout, parce que... Mais t'as donné des droits 5 fois... Ah bah oui, 3 fois à toi. Voilà, c'est-à-dire Aria, c'est moi, P. Westphal 67, c'est moi, et Philippe Westphal, c'est moi aussi. D'accord. Okay. Alors, c'est pour pouvoir accéder par différents moyens et voir comment ça se gère à partir de différentes adresses. Eh bah, ça a l'air de bien se gérer. Oui. Parce que moi, j'ai vu sur ma boîte mail... que tu étais intervenu sur une page, puis l'autre. Oui, parce que là, c'est marqué que tu es au courant, enfin, en fait, qu'on reçoit un message. Ouais, ouais. Bon, ben, ça, c'est bien. Si on veut de l'interactivité, c'est bien, non? Si quelqu'un met un mail, met quelque chose, ben, c'est bien qu'on aille voir ce qu'il a mis, etc., pour suivre le truc. Tout à fait. Par contre, ça sature vite, hein, parce que là, tu reçois une quantité phénoménale de messages, hein, quand même. Hein. Rien que pour toi, ouais, j'en ai reçu 6, ouais. Tout à fait, ouais, mais une fois... Bon, j'ai vu que... Alors, je voudrais qu'on aille, si tu le veux bien, à l'équipe. Alors, j'ai eu pas mal de problèmes à un moment. Ouais, parce que... j'ai vu ça. C'est pour ça que je voulais t'en parler. J'ai vu que tu avais fait des corrections, etc. Bon. J'ai eu des problèmes de navigateur. En fait, je suis d'habitude sur Firefox. Ouais. Et puis, Dropbox Paper s'ouvre sur Sur Chrome, ouais. Du coup, il m'a demandé de mettre à jour Chrome. J'ai mis à jour et puis il me disait toujours de remettre à jour, soit comme s'il n'identifiait pas que c'était fait. D'accord. Voilà, ça a tourné en rond pendant un moment. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Hein. J'essaye. Tu veux venir sur l'équipe ? Je suis sur l'équipe, ça a marché. Hein. Alors, on y va, l'équipe. Voilà. Il recommence. Procédez à la mise à niveau de votre navigateur. Alors que j'ai déjà fait deux fois. C'est quoi ce bazar ? Et il ne te demandait pas ça pour les autres pages ? Ah ben pour, si, pour Paper, à chaque fois que je voulais ouvrir Paper, il me dit... alors j'ai mis à jour le Firefox, j'ai mis à jour Chrome, je ne sais plus quoi mettre à jour maintenant. qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc je ne peux pas y arriver directement, je vais ouvrir Chrome et je vais aller sur... j'avais fait mon affaire... Parce que là, moi, j'ai le direct à partir de Dropbox qui me notifie. Activité récente. Dropbox.com. Peut-être que directement comme ça, ça irait mieux. Paper. Voilà. Alors, je suis bien dans Paper, mais il ne me montre pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Je recommence. Bah, va sur les pages. Va sur l'équipe, tu vas trouver ce que tu as fait. Alors, là, je suis passé. En fait, j'ai une liaison normalement directe sur Dropbox, mais apparemment, il me demande une mise à jour. Alors, du coup, j'ai ouvert d'abord Chrome et je vois si ça marche. Et non ! Procéder à la mise à niveau de votre navigateur encore. Mais qu'est-ce que c'est que ce Siri ? Ben, comment tu as fait pour y accéder tout à l'heure ? Est-ce que tu te souviens ? Parce que tu as fait des modifications, tu as fait plein de choses, tu as presque interagi sur toutes les pages. Oui. Donc ça a marché. Alors, compte personnel. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Ça, je supprime, il n'y a pas besoin. Alors, je vois tous les fichiers, par contre. Ouvrir. Est-ce qu'il va me redemander encore le cirque ? Ah ouais, mise à niveau de votre navigateur encore. Non, mais il y a un truc qui est bizarre. Tu avais un compte Dropbox initialement ? Oui. Ce compte, tu y accédais par Firefox ? J'y accédais par Firefox, oui. Bon, il n'y a pas de raison que ça soit incompatible aujourd'hui. Alors, c'est quand même bizarre. En fait, c'est, il veut bien ouvrir tous les documents qui sont sur Dropbox, mais les documents Paper... en fait, il demandait à ce qu'on ait la dernière version soit de Chrome, soit de Firefox, ce que j'ai fait. Ouais. Et puis là, c'est pas possible. Est-ce que tu peux aller sur tes propres documents Dropbox, peu importe lesquels, est-ce que tu y as accès à partir de Firefox ? Tes documents à toi. Alors attends, là, il est en train de mouliner. Alors, sur mes documents à moi, je prends le dernier, attestation de déplacement coronavirus. Ouais, ben ça marche. Donc, ça pose problème uniquement pour le jardin merveilleux. Ça pose problème uniquement sur Paper. Uniquement pour Paper. Bon. Alors, ça, par exemple. Alors, ce que tu vas peut-être faire, c'est rentrer Paper. Parce que moi, je l'ai peut-être rentré sans même m'en rendre compte. Il faut peut-être que tu rentres simplement la partie Paper de Dropbox. Comment on va faire ça ? Bon, à sortir de là, je vais aller sur Chrome, je vais taper Dropbox. Chrome. Voilà, connexion. Bien. Ensuite, Paper. Oui. Ceci. Créer un document Paper. Vos documents dans fichier à côté de vos autres contenus de Dropbox. Oui, ok. Et alors, je vais voir ça. Alors, je suis dans Dropbox, il n'y a plus de paper. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Jardin merveilleux. Allez, voyons voir là-dedans. Blanc. Je vois qu'il arrive là, hein, sur le jardin merveilleux. Ça y est, modifié il y a 53 minutes, l'équipe paper. J'ouvre, j'essaye. Ouvrir. Ouvrir dans Dropbox. Mise à jour de votre navigateur, encore, pour utiliser Paper. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, alors, ce que je te propose... Est-ce que je ne peux pas choisir le navigateur maintenant, hein? Ouvrir dans Dropbox, afficher dans Explorateur Windows. Je vais voir afficher avec votre application de bureau par défaut. On va voir. Équipe. Allez. Non, mise à niveau, encore. Ça ne passe pas. Bon. Il y a peut-être une incompatibilité. Alors, attends, je vais regarder ça, moi. Tu es sur Firefox, hein? Non, là, j'étais sur Chrome. Non, mais tu es ordinairement sur Firefox. Ordinairement, oui. Mais tout à l'heure, quand j'ai pu modifier tous les documents paper, j'étais sur Chrome. Oui, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il propose là? Renommer, déplacer, copier, supprimer, épingler sur Jardin Merveilleux, épingler, partager, ajouter aux favoris. On ne sait pas là-dedans. Vous pouvez modifier les fichiers. Oui, d'accord. Et alors? Alors, ouvrir l'équipe. Chaque fois, il me remet dans mise à niveau de votre navigateur. Est-ce que tu as le logiciel CC Cleaner? Alors, je vais regarder ce que j'ai. Faire un peu de nettoyage? Ouais. Alors, je sais que j'ai un truc de nettoyage. Alors, où est-ce qu'il est le scopetto? Bon, on va le chercher. Bon. Alors, cleaner. Non. Je l'ai pas là, c'est bizarre ça d'ailleurs, ce que je devais avoir. Cleaner, rien du tout. Tu ne l'as pas. J'en avais un, où est-ce qu'il est? J'aimerais bien savoir. Je vais aller voir dans les programmes. Tous les programmes. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? maintenance, sauvegarder, restaurer, non, c'est pas là-dedans. Il y a quand même, je peux te parler ? Oui, il y a quand même un truc bizarre. Tout à l'heure, tu veux aller sur Dropbox Paper et il te dit de passer par Chrome. Tu passes par Chrome et... Et tu passes par Chrome et là, tu peux faire les modifs. Et là, tu veux refaire la même manip, tu n'y arrives pas une demi-heure après. C'est ça. Il y a un schmoll. Attends, je compte. Y aurait-il... Moi, j'essaye d'aller sur dropbox.com et en fait, il veut pas y aller. Donc, il y a un schmoll. Parce que là, il y a Dropbox qui m'a proposé de chatter avec moi. Alors, je pose la question entre Paper et Firefox. On va voir ce qu'il me répond. Alors, ouvrir avec, on choisit, ouvrir avec ça, est-ce que ça marche? Non. Et télécharger Chrome, je l'ai déjà fait, j'ai déjà installé, c'est ici. Malades ces Américains. Alors peut-être que c'est parce que j'ai, tu sais, ils ont terminé le suivi de Windows 7. Pourquoi tu es toujours sur Windows 7 ? Je suis sur 7 Pro. Je suis pas monté à 10. Et ben pourquoi ? Ben à partir de... en fait, en disant qu'à partir de février, ils ne faisaient plus le suivi de Windows 7 Pro, ben oui. ils ont mis le 10 en vente. Ce qui fait que tu ne peux plus l'avoir gratuit. Ben ouais. C'est intéressant, hein? ouais, non, mais... Tu sais, je crois que par principe, il faut aller dans le sens de... Il faut aller dans le sens de l'informatique. Si tu vas contre eux, tu joues perdant. Quand ils t'ont demandé, tu étais à 7, ils t'ont dit passer à 10, ils te le faisaient pas cher, sans doute. Tu l'as pas fait. Donc, voilà. Ben, tu le payes pas plus cher après, quoi. Parce que là, il a quel âge ton ordinateur ? Ça y est, j'y suis allé. En fait, j'ai rechargé Chrome. Ouais. Et du coup, je peux aller sur les trucs. Là, je suis sur l'équipe, ça y est. T'as rechargé Chrome. Voilà. En fait, j'ai rechargé Chrome. Voilà, comme s'il n'était pas chargé avant. Ah, oh, ben, quelquefois, ça fait... Non, mais c'est... Tu sais, c'est la première version... La seconde version écrase la première. Hein. Ouais, bon. Bon, ça marche. Alors, ça marche. Et maintenant, je suis sur le tableau, là. Bon, alors, maintenant, on va sur l'équipe. L'équipe, c'est un fichier que j'ai rajouté, parce que ben, ça me paraissait bien de commencer par l'équipe, quoi. On voit ouais. qui est là, etc. Bon, on voit que tu as rajouté du monde, ouais. C'est très bien. Et derrière, bon, ben, ça s'est bien passé, non? Oui, c'est ça. Et c'est là qu'on voit qu'à des noms, au nom, on peut mettre un programme de travail, on peut mettre un calendrier, on peut mettre pas mal de choses, quoi, des commentaires. Ah, attends, où est-ce que tu as vu ça? Ben, quand tu te mets sur sur un nom. Ouais. Voilà, il me met en bas, ajouter une image, ou bien créer une liste de tâches. Ah bon, t'as plus de choses que moi, toi. Quand tu te, mettons, clique sur, je sais pas moi, n'importe lequel. Mais j'ai cliqué sur Philippe Westphal. Voilà, c'est ça. Et en bas, tu vois apparaître un petit machin noir. Ah ben attends, pour moi, attends. Pour moi, il n'apparaît rien. Chacun son tour. Hein. ouais, d'accord, mais bon. Et il n'apparaît rien, moi. Il n'apparaît rien. Et pourtant, t'es le propriétaire. Hein. Je ne suis qu'un modificateur. Bah ouais, bah écoute, si tu veux être propriétaire, je te laisse les droits. Non, mais normalement, tu devrais avoir plus de droits que moi, et apparemment, il y a un problème. Ben. Donc, quand tu es sur un... Alors, sur un nom, tu n'as rien qui apparaît. Tu peux rien rajouter, toi. Moi, je suis sur un nom, ouais, je peux... Il n'y a rien qui apparaît comme menu. En fait, il y a un petit menu. J'ai une petite flèche à côté de ton nom, à droite de ton nom. J'ai une petite flèche, mais bon, oui. Ça ne fait que dalle, quoi. Ah oui, là, c'est trié. C'est à côté de mon nom. Ouais, c'est trié. Bon. Ah. Ah, je vois. Je sais pourquoi. Ah, tu sais pourquoi. Je sais pourquoi. Là, tu vois, c'est toi qui as rajouté mon nom. C'est ben ton nom, je l'avais mis au départ, avec celui de Sylvie. Oui, mais c'est bien, c'est toi. Et moi, quand je vais sur mon nom, je n'ai pas le droit de mettre de... J'ai aucun menu qui s'affiche. Par contre, sur tout ce que j'ai rajouté, moi, mais... j'ai un menu qui s'affiche. Ben, moi, sur Sylvie Dujardin, j'ai rien qui s'affiche. Et sur Philippe Westphal, tu n'y as rien non plus qui s'affiche. Ah, il faut regarder en bas, tu m'as dit. Enfin, il y a quelque part sur l'écran quelque chose, un petit menu qui s'ouvre. Ah ouais, petit menu sur... T'as rien ? Non, j'ai rien. C'est un peu énervant, hein ? Alors, qu'est-ce que je peux faire, là ? Est-ce qu'il n'est pas diffusé ? Pourquoi toi, tu as toute la liste, donc il est diffusé. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Et en fait, quel que soit l'endroit où je clique sur le tableau, j'ai un petit menu qui s'affiche qui me permet de rajouter un lien, des tâches, mais une où... liaison avec le calendrier. Attends, est-ce que tu peux... Alors, peut-être que je ne le vois pas, mais bon. Alors, prenons un exemple. On va se mettre sur Sylvie Dujardin, parce que toi, tu peux rajouter des trucs, là. Oui. Bon, alors, Sylvie Dujardin, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il y ait un petit menu qui apparaisse ? Alors, essaye, par exemple, de rajouter, de changer, par exemple, sur Sylvie Dujardin, tu changes agent d'entretien, pour savoir si moi, je vais le voir apparaître, déjà. Si tu as une action... Ouais. Ah, oui, c'est ça que t'appelles le petit menu. Ah, tu vois apparaître quelque chose ? Oui. C'est si je veux bouger, si je veux changer quelque chose. Alors, il n'y a que ça ? Ah non, mais il n'y a pas que ça. Je peux mettre en caractère gras, je peux faire des trucs barrés, je peux faire ajouter un commentaire, je peux... Ça, c'est si tu veux changer quelque chose au niveau de l'écriture. Oui. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Si tu as ajouté un commentaire, oui. Tu as créé une liste de tâches. Créer une liste, c'est ça que tu appelles le petit menu. Voilà. Mais je l'ai, je te rassure. Bon, mais il fallait aller chercher là parce que je... Ah ben attends, je l'avais pour Sylvie Dujardin, je ne l'ai plus le petit menu maintenant. Ah si, il faut que je clique deux fois. Ouais, il fallait que je clique deux fois. Oui, sans ça, tu sélectionnes... Ah ben, c'était ça qu'il fallait me dire, qu'il fallait que je clique deux fois. Oui, moi, j'ai pas besoin de ça. Ben, même sans sélectionner le texte, en fait, bon. Ce petit menu, il apparaît. Ah, mais moi... Bon, il faut cliquer deux fois. Voilà, mais j'ai ça. Voilà. Bon. J'ai ça. T'es rassuré ? Ah ben, allez, on travaille quand même sur la même chose. Bon. Ok, bon, ben voilà. Alors, bon, ça, c'était l'équipe. Bon, j'ai rien à dire, hein. Mais les gens que tu as mis là, pourquoi tu en as mis certains, pas d'autres? C'est voulu, c'est... Il y a des cases qui sont vides. Moi, j'ai pas de case vide pour l'instant. Ah si, Gilles Dugard, tu n'as pas le numéro de téléphone, Ah tu n'as oui, pas si, le... si, oui, Gilles Dugarde, j'ai pas... Voilà, C'est parce mais... que je n'ai pas fini, c'est tout. Ah, Par contre, d'accord, mais... les équipes qui sont là, ce sont les équipes d'acteurs véritables, c'est-à-dire ceux qui ont bien l'intention de venir pour prêter main-forte. Ah, comment tu le sais? Ah ben parce que c'est eux qui m'ont répondu, ce sont ceux qui se sont engagés. J'en ai toute une autre série que j'appelle les observateurs, qui en Alors. fait, soit ne veulent pas, en fait, pour D'accord. différentes raisons, me rentrer dedans, soit ne répondent pas. D'accord. Mais c'est des gens qui ont répondu à ton questionnaire? Il y en a d'autres qui ont répondu à mon questionnaire. Parmi ceux qui ont répondu à mon questionnaire, il y en a qui m'ont dit non. Non, non, mais je Et ben, parle au questionnaire numéro 2. pour le 2, non, pas du tout. Ah, voilà, d'accord. Non. Bon. Le Ok. questionnaire numéro 2, il n'y a eu aucune, il n'y a Ouais. eu qu'un truc. Et le questionnaire en anglais, je ne l'ai pas envoyé. Par contre, j'ai pris contact avec les gens qui sont aussi dans la peur en ce moment, qu'il faut plus les appeler au téléphone qu'autre chose, quoi, parce qu'ils sont, ils ont les mots, quoi, avec le coronavirus. Tu crois? Bon, ok. Ok, donc ça pour l'équipe, il n'y a rien à dire, hein? Voilà, ça roule tout seul. Ben eux, en tout cas, c'est eux qui rentreraient dans ce domaine-là. Par contre, eux, par exemple, je peux les ressolliciter sur le questionnaire numéro 2, là, ils répondront. Mais je pense que, en tout cas, à rencontrer les gens, même les amis, la famille ici autour de nous, ils sont tous dans la reprise et ils n'ont vraiment pas la tête à faire ça, quoi, pour l'instant. Ça, c'est possible. On peut quand même dire sur le questionnaire numéro 2 que tu as un zombie qui n'a pas répondu aux premières questions mais a répondu aux dernières. Ce sera tu le connais ce gars que, Alors, oui, attends. tu dois le connaître. Tu l'as vu, Alors, celle. comment je vais faire? Parce que là, je suis sur Chrome. D'habitude, je vais sur Firefox. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un conflit? Je vais voir. On va voir si ça marche dessus. Là, ça va être chouette, ça. Allez, hop, direction Drive. Jardin merveilleux, questionnaire numéro 2. Ah, effectivement, le cinquième. Je ne savais pas qu'il y en avait un cinquième qui avait. Si, si, j'ai. Ben, Alors, je du coup, suis je vais ça, je trouver. Oui. t'expliquerai pourquoi après. Et j'ai vu la réponse étrange du numéro 5. Alors, individuel. Individuel, réponse numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors. Il Donc, il n'a pas s'agit répondu de au Eric premier. V. Ah, Eric Vallée. Oui, c'est un collègue. Il est un peu fatigué, alors. Lui, c'est un spécial. C'est un gars qui n'hésite pas à aller en Patagonie faire de la pêche en eau vive. Ah, ça, c'est bien. C'est un fou de nature. Mais il a du Et mal à répondre au comme il sait, questionnaire. voilà. Alors, quel matériel vous avez déjà? Beaucoup. Il a tout. Il a tout. Il a une grande caisse à outils. Mais par contre, pour répondre aux questions 1, 2, 3, 4, 5, ouais, il n'y a pas question. Alors, autre explication, qu'est-ce qu'il m'a mis? Celle déjà expérimentée ensemble, Blessing par exemple, oui, c'est ça, c'est lui. Physique, point physique, ne fait pas peur. D'accord, ok. Oui, Eric Vallée, oui, c'est ça. Hein. Oui, là, il a répondu déjà au questionnaire numéro 1. Par contre, il s'est pas fait chier, hein, c'est le cas de le Ah, mais c'est ce que je t'ai dit, qu'il était spécial celui-là. Non, mais il sait que je le connais. Donc, lui, il est partant. Il habite où? Oui, bah, il habite pas très loin dans la région de Strasbourg. Hein. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, c'est bien qu'il a répondu quand même quelque chose. Mais lui, il est quand même très spécial. Bon, voilà. Allez. Il est pas très sur ordinateur. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, bah, j'ai eu un mal fou à avoir son numéro de portable. Ah ben d'accord, c'est éloignement. Plus tard, à quelle chanson? Oui, c'est sûr, à éloignement. Et j'en ai d'autres qui sont dans la région de Strasbourg qui disent quand est-ce que tu montes sur... quand est-ce que tu montes sur Auray parce qu'on viendrait avec toi. Ah oui, oui, d'accord. Ok, bon. Bon, écoute, on reviendra au questionnaire après. Hein, mais d'accord. Parce que je voulais t'en parler. C'est pour ça que je suis attentivement les réponses. Finissons Dropbox. Retour sur Chrome. Apparemment, les deux ne sont pas incompatibles. J'ai les deux qui sont ouverts. C'est non, mais attends. D'aller sur le Drive avec Chrome, t'as aucun problème. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, j'ai mis tout ça en favori, mais sur Firefox. Il faut que je tremballe tout. Maintenant, mais non, t'as pas besoin de tout transballer. Tu dis que tu changes de... Tu dis que tu changes de provider. Il le fait tout seul. Ah, d'accord. Je ne savais pas. Il le fait tout seul. Qui ça? Ton Chrome ou Firefox? Les deux. Ils font tous tout seul. Tout seul. Ah, bon. Moi, je suis sur un autre truc qui s'appelle Brave. B-R-A-V-E. Mmh. Que je te recommande en matière de sécurité. Et voilà. Et ben voilà, il m'a récupéré tout ce que j'avais sur Chrome avant. Bon, alors il faut que je le fasse. Ça va tout seul. Mmh. D'accord? D'accord, ça marche. Bon, allez, on retourne à l'équipe. Allez, l'équipe, bon, rien à dire, ça fonctionne. Hein? Bien. Les bonnes idées, il me semble que je t'ai vu que tu avais rajouté. Voilà. J'en ai rajouté une. Voilà, si très bien. Ça me fait dire que si on fait des bonnes idées, il vaut mieux mettre des tirets avant pour faire comprendre qu'il y a une énumération. Voilà, c'est fait. Tu la vois? Oui, ça y est. Bon. Je vois les petits points. Voilà. Alors, là où j'ai eu un problème, bon, rien à dire là-dessus, hein, d'accord? Oui. Là où j'ai eu un vrai problème, c'est sur l'agenda. L'agenda, comme je te l'ai dit, j'ai pris celui que proposait Dropbox en désespoir de cause, parce que je voulais récupérer l'agenda que tu as mis, que tu avais fait toi oui. Sur Google. Impossible. Oui. J'ai pas réussi. Il semble que ça soit deux choses différentes. Hein. Ben non. Parce que l'agenda, en fait, c'est un truc qui est interactif. Donc ça veut dire que, en fait, Dropbox reconnaît tout ce qui se fait à l'intérieur de Dropbox et établit des liens. Mais par contre, le Google Agenda n'a pas la même interactivité, ne fonctionne pas sur cette interactivité, il me semble, en tout cas. Ben, je dirais que je ne suis pas d'accord avec toi. Alors? Parce que Dropbox, Google Agenda, non, on va pas le faire maintenant. Je te dis, voilà, moi j'ai déjà passé une heure ou deux là-dessus, bon, ça m'a pris la tête, c'est pour ça que j'ai tout arrêté. Mais, ben oui, par contre, je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que l'agenda Google, je l'ai mis sur des tas de supports. Oui, moi aussi. Mais qui sont pas sur des tas de supports dans des tas d'autres domaines, quoi. Le problème, c'est la compatibilité entre l'agenda Piper et l'agenda qui est. Mais non, attends, l'agenda. Paper, c'est moi qui l'ai créé. Oui, je sais bien. Bon, et donc si c'est moi qui l'ai créé, je mets dedans ce que je veux. Et ça marche pas. Chargement, oui. Il veut pas le prendre. Alors, peut-être que je m'y prends mal, peut-être aussi que je ne suis pas propriétaire de l'agenda. Ah oui. Peut-être. Alors, attends, je vais essayer. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ? Ajouter des images, ajouter des supports multimédia, fichier Dropbox, créer un tableau. Attends, tu vas chercher ça où, toi ? Où t'es là ? Quand je me mets quelque part, j'ai un petit menu qui... toujours ce même petit menu que tu n'as pas. Ah mais si, je l'ai... Non mais alors attends. Moi, ce que je te propose, c'est que tu ailles sur ton agenda Google. Oui. Alors moi, je vais aller sur le mien, peu importe. C'est la même manip. Sur l'agenda Google, tu vas sur ton agenda Google. OK ? Alors, attends, hop, Google, agenda. Agenda. Bon, alors, tu vas, t'as sans doute un agenda perso, un agenda de ci, et un agenda merveilleux. Oui, jardin merveilleux. Par contre, il manque des trucs, là. Pourquoi j'ai tout qui apparaît et j'ai rien dans la colonne de gauche sur tous les agendas. Tu les as pas tous tes agendas? Bah, j'ai l'agenda qui s'affiche, mais j'ai pas le détail de ceux qui s'affichent. Il y a quelque chose qui va pas encore. Il faut aller chercher. Alors, il faut aller chercher. Écoute-moi. Oui. Tu m'écoutes ? Tu as ton agenda qui est affiché, là. Mais tu n'as pas la colonne de gauche. Oui. Pour avoir la colonne de gauche, tu remontes en haut. À côté de agenda, tu as trois petits traits horizontaux. Oui. Clique dessus. Alors, se connecter, protection, nouvelle fenêtre, identifiant, module complémentaire. Non. On ne parle pas des mêmes choses. Bah, les trois petits traits, Quand tu cliques sur ces trois petits traits, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai un menu qui s'affiche. Ah, tu as un menu. Alors que moi, si tu veux, je clique un coup sur les petits traits, j'ai la colonne de gauche avec tous mes agendas, tout le détail. Je reclique dessus, la colonne de gauche disparaît. C'est... Bah oui, mais tu vois, moi, j'ai ça, c'est afficher les panneaux latéraux. Et quand je l'ai mis affiché, il n'y a rien dans le panneau latéraux. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il n'y a pas? Consulter l'historique et marque-page. Non. Là, c'est afficher les panneaux latéraux. Et quand en fait, je veux afficher, le panneau latéral qui s'affiche, il est vide. C'est intéressant. Bon. Est-ce que tu vois bien les trois petits traits superposés horizontaux? Oui. Et quand tu cliques là-dessus, c'est afficher les panneaux latéraux. Quand je clique dessus, j'ai tout un menu qui s'affiche. Moi, j'ai un autre truc qui n'est pas trois petits traits, c'est un espèce de bouquin ouvert avec petites écritures et qui me met afficher les panneaux latéraux. Le problème, c'est que dans mon panneau latéral, il y a zéro, il n'y a rien, c'est blanc. Il y a le panneau qui s'ouvre et il n'y a rien dedans. Bon, moi... Ce que je fais, moi, c'est bizarre qu'on n'ait pas... C'est marrant, quand même. Non, mais il y a un problème, là. C'est là. Tout à l'heure, c'était aussi un problème informatique, là. Non, mais c'est... Tu as le mot « agenda ». Reprenons les choses bien, ensemble. Oui. Alors, attends, ce que je vais faire... Ce matin, j'étais avec des Français coincés en Égypte qui avaient un problème informatique. Je te dis pas le bif à gérer. Et passer plus de temps en explication qu'à gérer leurs problèmes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de Firefox. Et dans Chrome, je vais ouvrir l'agenda. Mon Gmail. Déjà. Allez, loulou. Sésame, ouvre-toi. Voilà. comme ça, il n'y aura peut-être pas de conflit. Bien, alors maintenant, j'ouvre. Qu'est-ce qu'il met là ? Enregistrer le mot de passe ? Non. Agenda. Peut-être qu'il va m'afficher quelque chose cette fois-ci. Alors, t'as agenda. Alors, j'ai l'agenda. T'as le mot agenda à droite. T'as un petit carnet avec la date. Ah voilà, nouveau, ça c'est nouveau. Ça y est, maintenant c'est bon. Non, il y avait sans doute un problème avec, de compatibilité entre les deux navigateurs qui s'étaient ouverts. Ah. Donc là, je suis complètement sur Chrome et voilà, ah. C'est mieux. D'accord, t'es complètement sur Chrome. Alors, les agendas. Attends, écoute-moi bien, écoute-moi bien. T'écoute. On va essayer de faire un truc. Attends. Le truc que je voulais faire, ça marchait l'autre jour, ça ne marche plus aujourd'hui. Putain, on n'a pas de chance aujourd'hui. Ah oui, ça va. Alors, tu vas sur Agenda Jardin Merveilleux. Oui, ben je ne l'ai pas en plus. Tu ne l'as pas ? Oui, je ne l'ai pas. C'est dans Autre Agenda. Là, là, là, là. Oui, Autre Agenda. J'ai les jours fériés, et puis j'ai celui de Sylvie, et puis voilà. Pouet, pouet. Bon, c'est pas le bonjour, on dirait, hein. Il y a quelque chose. Ben, je propose qu'on passe, et on parle philosophie, ça sera plus simple. Ou alors il faut que j'arrête tout, que je relance, bon, je sais pas, il y a quelque chose. Bon, attends, écoute-moi. Oui. Écoute-moi. Donc, tu vas prendre ton agenda à toi. Voilà. Tu mets la souris dessus. Oui. À côté du nom de ton agenda, tu as trois petits points verticaux. Trois petits points. Tu cliques dessus. Oui. Ensuite. Paramètres et partage. Tu cliques sur paramètres et partage. Voilà. Et là, tu vas chercher. Tu vas chercher... Exporter l'agenda. Voilà, tu l'as trouvé ? Ben, moi, je l'ai vu. Voilà, en savoir plus sur l'exportation. Alors, exporter l'agenda. Et alors, qu'est-ce qu'il m'ouvre, là ? Normalement, il y a un frame qui doit s'ouvrir avec un code dedans. Et c'est ce code que tu dois aller coller en bas de ton agenda Dropbox. Alors, quand je mets exporter l'agenda, qu'est-ce qu'il me fait ? En bas. Ah, il me met quelque chose en bas, un truc point zip. Un truc point zip ? Mais il n'y a pas à zipper, c'est des trucs, ça ne consomme rien. Non, ouvrir, toujours ouvrir, ça me crée en fait un agenda qui est sous forme Gmail, gmachin.zip. Mm-hmm. Bizarre, hein ? C'est pas ça qu'il faut. Non. C'est pas ça qu'il faut, alors c'est bizarre parce que je l'avais l'autre jour. En un mot, il te donne un code. Ce code, tu le copies et tu vas le mettre... dans l'agenda Dropbox. Voilà ce que j'ai fait, mais aujourd'hui, j'ai pas de code. C'est un quel bordel. Bon, de quoi pourrait-on discuter, chef ? Bon, ben, écoute, je t'ai donné la manip. Oui. Non, mais t'as pigé le principe. Oui, c'est que ton agenda, avec ce code, tu peux le balader où tu veux. Tu le mets dans ce que tu veux. Bon, ben j'ai pas réussi à le mettre dans Dropbox. Hein ? D'accord ? C'est fantastique, ça. Non, mais c'est un mauvais jour aujourd'hui. Ouais, c'est un mauvais jour. Hein. Bon, c'est pas grave. On va persévérer, on va persévérer. Donc, je retourne à l'agenda. Ben, écoute... Philippe, j'ai pas réussi à mettre l'agenda Google du Jardin Merveilleux. Toi qui en es propriétaire, tu peux essayer à ton tour. Voilà, je te dis comment, dans la théorie, on pouvait faire. Bon, je serai, oui. Allez, plan du terrain. Alors, plan du terrain. Plan du terrain. Alors, t'as rajouté des plans, ce qui est très bien, ouais, c'est bien, on a des jolis plans. Je me suis amusé un petit peu tout à l'heure. Ouais, mais c'est bien, donc, ça marche, c'est facile. Et j'ai mis sur, par exemple, sur le plan patrimoine, un petit haut, un petit commentaire. Un commentaire. Sur le plan patrimoine. Alors, parce que j'ai un plan réseau des collectes usées, réseau d'eau potable. C'est juste après le PMU. Alors, il est où le PLU? Patrimoine. Et PLU. Ben, patrimoine. Et ben, là où il y a patrimoine, j'ai mis un petit commentaire. Ah ben, j'ai pas. L'alignement d'arbres n'existe pas. Il semblerait que ça a été... une suggestion d'un gars qui n'est plus à la mairie. D'accord. D'un chef. Plus en activité maintenant. Bon, ils ont viré le chef parce qu'il ne devait pas être très compétent. la réunion que j'ai eue avec eux, là, c'était assez fantastique. Ils ont fait ceux qui ne savaient absolument rien sur ce terrain. Mais ça ne change pas grand-chose. Hein, parce que... Il y a un alignement d'arbres, là. Ça vous dit quelque chose de dire « Ah non, on ne sait pas, mais alors, c'est vous qui avez fait le PMU quand même. » C'est absolument incroyable. Bon, donc tu as pu mettre tous les plans que tu as trouvés. J'ai trouvé, moi, intéressant... Ah, c'est pas là. Et j'ai vu que tu avais mis une photo de... Ah, c'est pas là. De la Google. La photo aérienne, elle est dans l'aménagement du jardin. D'accord, alors bah, on y va. Bon, donc, rien à dire sur le plan, hein, ça fonctionne, hein. Bah, c'est là que je mettrai très probablement le plan topographique. Donc, Exactement. D'accord ? Oui. Bon. Après, aménagement du jardin, on y va. Aménagement du jardin, le voilà. Ça, c'est une photo Google Earth ? Non, c'est Géoportail. Ah, Géoportail, en plus c'est marqué. Oui. D'accord. Bon. Ben, celle de Google Earth, en fait, à partir du moment où tu te rapproches, elle est déformée. Donc, elle pixelise. Voilà. C'est surtout qu'elle est déformée. Alors, on arrive très vite à Google Street. Comme ça, en descendant plus bas, en fait, il se transforme en Google Street. D'accord. Et donc, alors que Géoportail, il reste comme ça, mais par contre, ça pixelise un maximum et c'est moche. Voilà. D'accord. Bon, ben, c'est bien. Alors là-dessus, en fait, c'est une vieille hein, qui date de, je crois que le dernier relevé qu'ils avaient fait, c'était en 2018. C'est pas du tout à jour, ni sur Google Earth d'ailleurs. D'accord. Parce que là, le terrain, il a l'air bien entretenu, là. Oui. En fait, ça a été fait après le dernier passage du paysagiste du jardin. Voilà. D'accord. La dernière fois qu'ils ont payé, quoi. D'accord. Bon, ben, il a bien fait de venir, le satellite, hein. Oui. Donc, tout va bien, hein, voilà, après il y a les plans, le machin, tu verras, etc. Ok, bon, rien d'autre à dire. En fait, là-dessus, ce sont des photos que je mets, mais après les avoir réduites. Parce que très vite, sur Dropbox, ils disent qu'il faut passer à la version payante au-dessus, dès que ça commence à devenir lourd. Ah oui, bah oui. D'accord, parce que là, moi, les photos que j'ai mises, moi, je suis passé à la rubrique numéro 5, à photo. Oui. Je n'ai pas du tout pensé à réduire, moi. Mais voilà, ça, c'est... Il faudra faire attention. Mais je vais te dire, si tu es sur le drive, c'est pareil, hein. Oui, le drive, il y a 15... 15 gigas. Il y a 15 gigas. Ouais, alors que là, en fait, c'est selon tes bons services et selon ce que tu payes sur Dropbox. Mmh. Alors, les bons services, c'est s'il y a d'autres personnes, tu invites d'autres personnes à s'inscrire à Dropbox, tu gagnes à chaque fois 500 mégas. D'accord. Voilà. Drive, moi, c'est pas mon drive qui me bouffe... qui bouffe de la bande passante, c'est mes mails. Oui. Moi, ouais, oui. C'est surtout les mails. Et je garde tout, tu me diras. Voilà, ça, c'est un parti pris que j'ai. Bon, mais bon. ça rend service quand tu es emmerdé. Moi, j'ai gardé énormément de choses sur, sur Google, mais pour l'instant, je m'occupe que sur les 15, je m'occupe que 6. C'est tout, et ça fait 15 ans que je suis dessus. Donc, bon, voilà. Avant de remplir tout ça, il y a un moment. Bon, ceci étant, j'ai quand même enlevé, j'ai jamais mis en fait des séries de photos comme ça sur, sur Drive. Ah ben, les photos sur Drive, c'est, si tu veux, ça ne mange pas de pain tant que tu ne les gardes pas en définition native. Oui, c'est ça. C'est la même chose avec Google Photos. Google Photos, tu n'as absolument aucun budget de, quantitatif tant que tu ne mets pas la vraie la définition native. Bon, voilà. C'est vrai que les photos, quand on les prend, c'est facilement 3, 4, 5 mégas. Alors... ah ben, Obama, ouais, mais surtout maintenant. Et puis plus les années passent, plus c'est lourd. Et... D'accord, donc voilà, les photos, ben voilà, il faudra les corriger, c'est de là, peu importe, donc il faut faire attention. Brainstorming. Alors, brainstorming, je ne sais pas trop comment m'en servir, j'y suis pas trop. Ben, j'ai vu ce truc-là où on peut en fait mettre des commentaires et des choses sur chacune des parties de la photo. Est-ce que c'est. Attends, brainstorming, ça, c'est. Sache que tous ces documents-là, c'est moi qui les ai créés. Oui. Brainstorming, au même titre que le reste. Oui. Donc tu dis, je ne sais pas comment m'en servir. Tu t'en sers comme d'un brainstorming normal. Comment tu fais? Alors, je mets des post-it dessus. Non, c'est pas ça. Forcément. Tu poses une question. Tu laisses les uns et les autres répondre. Et puis après, oui. On fait un choix dans ces réponses. Oui, d'accord. Alors ça, pour l'instant, on est un cran plus loin. C'est-à-dire que ça serait une fois qu'on partage tout oui, ça. Oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais voilà. Bon, mais moi, je ne sais pas, le brainstorming... Bon, j'ai regardé s'il y avait des applis de brainstorming. Il y a des trucs, mais des machins ultra sophistiqués avec des budgets en conséquence. Bon, c'est surdimensionné pour ce dont oui. Sens tu as besoin. Hein? Il y a juste la différence entre le brainstorming et les bonnes idées. Ah ben, moi j'ai repris ce que tu m'avais dit. Oui. Alors attends, je ne veux pas te dire de bêtises. Outil prise de décision, alors attends. Idée, calendrier, plan de terrain. Photo, idée, aménagement. Ouais, tu m'avais pas dit brainstorming. C'est moi qui ai rajouté brainstorming. Oui, mais c'est bien. En fait, c'est une page de discussion. Oui, appelons-la comme ça, si tu veux. Mm. Page de discussion, tu préférerais? Ce serait moi. Discussion, oui. Discussion.paper. Ah ben, il met plein de paper tout seul. Hein. C'est bien. Et c'est en plus de ça, c'est immédiat, hein, c'est bien. Ben oui, c'est bien. Non, moi j'ai trouvé ça... Bon, écoute, c'est simple, c'est facile à mettre en œuvre, ça mange pas de pain, ça va à peu près partout, ça prend pas de place, bon, maintenant, il y a qu'à l'usage, hein, tu sais. C'est ça. Il y a qu'à l'usage. Ce qui m'avait paru intéressant, j'ai vu ça, mais il faudrait peut-être l'affiner, c'est que tu peux donner des droits sur certaines pages et pas d'autres. C'est ça. Bon, j'ai pas vu comment ça marchait, mais puisque tu avais soumis toi l'idée, bon, là je te la sers telle que tu me l'as donnée. Hein. D'accord ? Alors, je vais voir, partager. Pour l'instant, tu as partagé. Attends. Oui, je sais que j'ai donné. Voilà. Par exemple, photo.paper, il y a juste moi et toi qui partageons. Alors que sur discussion paper... Mais qui a dit ça? C'est moi. Ah, c'est toi. D'accord. Bon, voilà. C'est moi qui ai fait un essai pour savoir si je pouvais partager certaines pages et pas d'autres. Et effectivement... D'accord. Effectivement. Et comment tu fais? Ben c'est marqué en haut, partager. Oui, d'accord, oui, mais c'est marqué en haut, mais c'est pour tout, ou comment je sais que je non, suis... Non, c'est par page. Là, je suis sur la discussion. Ouais, exact. Je partage avec 5. Exact. Et, ah oui, et sur photo, il n'y a que nous deux. D'accord. Ah, oui. Mais toi, ben, l'autre soir, ouais, j'ai compris. Bon, voilà. Bon, ben, écoute. Voilà. Ben, ça marche. On avance ensemble. Hein? Ouais, ben, c'est bien. Bon, voilà. Donc, la discussion est partagée. Non, les photos sont à 2 seulement. Oui. Les autres sont à 5. C'est-à-dire 4 fois moi plus toi. Voilà. Bon. Et puis. L'agenda est à 3. L'agenda est à 3, oui. Les bonnes idées, on n'est que 2. À avoir de bonnes idées. Non, 5. Les bonnes idées, on est 5. Les 5, et par contre, l'équipe. Mais, et les 5 aussi. Mais tu l'as, comment dirais-je, sur le récapitulatif, tu l'as, hein, ça, ce que tu. Toi, oui, tout à fait. C'est marqué. 5 membres, 2 membres. Voilà, 5 membres, etc. Hein? Oui. Bon, en tout cas, ce qui est bon, c'est qu'il faut absolument que je sauvegarde ça dans les favoris. Ajouter cet onglet aux favoris. Ouais, dans Chrome. Alors, on va mettre Jardin Merveilleux, nouveau dossier, clac. Tout à l'heure, pour y accéder, là, j'espère que c'est bon. Voilà. C'est bien, et j'essaierai tout à l'heure d'y retourner après être sorti complètement, comme ça on verra. D'accord, ok. Ouais. Bon, on peut clore cette affaire. Chlorpepper. Hein? D'accord? Chlorpepper. Allez, c'est fini. Je ferme ça. C'est fini. Alors, voyons un peu. Alors, moi, je voudrais, si tu veux bien, qu'on revienne sur le formulaire. Sur le questionnaire. Le questionnaire, il était sur Firefox. Zut. Alors. Si, je peux l'avoir par le drive. Hop, c'est bon. Drive. Voilà. Mais c'est plus une question de philosophie qu'autre chose. Attends, j'ai mon ordinateur de temps en temps, quand je discute avec toi, mais uniquement quand je discute avec toi, il se met à faire des drôles de bruit. Hein? Il chauffe. C'est vrai, il chauffe. Mais sans doute parce que j'enregistre en même temps. Ah, c'est ça, voilà. Je suis sur Skype et j'enregistre. Les deux, ça fait beaucoup pour lui. Ouais. Attends, juste une question au niveau de ton ordinateur, là. Si tu es sur Windows 7, il doit avoir combien de temps, cet ordinateur? Il a 3 ans. Celui-là, je l'ai acheté il y a 3 ans. 3 ans ? Oui. Mais il y a 3 ans, il y avait Windows 10. Oui, mais je n'ai pas installé Windows 10. Ah oui, d'accord. Bon, d'accord. Bon, ok. Voilà. Ça va. Non, mais c'est ton affaire. Ok. Bon, ouais, je reviens au questionnaire parce que je me pose des tas de questions. Je ne suis pas sûr, quoique... Le déconfinement soit à l'origine des réponses, du manque de réponses. Je pense que ce questionnaire, mais je te l'avais déjà dit, je te le redis, c'est pour ça, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. À mon sens, si tu veux, je pense que les gens trouvent ça trop compliqué. Mmh. Bon. Ils trouvent ça à la fois trop compliqué et trop complexe. Complexité à apporter, de demander de la réflexion, du temps de réponse, etc. etc. Donc, moi, ce que je te propose, ben, on va laisser, hein, on va voir. On va voir qui répond, qui répond pas, pourquoi, etc. Mais il me paraît extrêmement important, pour toi d'abord, et puis pour moi aussi par curiosité, d'avoir les réponses aux questions posées, quoi. Alors, bien ou mal posées ces questions, mais savoir qu'est-ce qu'on veut faire sur ce jardin merveilleux, quoi. C'est fondamental. C'est fondamental. Qu'est-ce que les gens ont envie de faire? Qu'est-ce qu'ils ont envie de trouver? Qu'est-ce que... Et tant que t'as pas ça, tu navigues à vie, quoi. Voilà. Mais c'est mon sentiment. Je te l'ai déjà dit avec d'autres mots. Je te le redis là maintenant. Je pense qu'il y a autre chose que le confinement pour expliquer le manque de réponse. Et donc ? Pardon ? Et donc ? Et donc, ben, moi je propose que tu attendes encore un petit peu, mais pas beaucoup. Si tu vois que tu n'as pas, si t'as pas plus de réponses, sans que tu aies de relance à faire, hein, parce que si tu fais des relances, bon, les gens, pour te faire plaisir, ils vont te répondre, mais ça n'aura pas forcément le même niveau de sincérité qu'autorise la spontanéité des choses. Il n'empêche que, là-dedans, moi j'avais quand même donné, quand j'avais envoyé le mail, là-dedans avec le lien, c'était en disant prenez le temps de réfléchir. Complètement. Parce qu'il y avait quand même de la réflexion. Et je te rappelle que le questionnaire numéro 1, il est resté longtemps avec seulement 5 réponses. Hein. Et après ça, c'est après la relance qu'on est arrivé maintenant à 25, 26. Oui, mais on était bien resté, toi comme moi, dans l'idée que ce questionnaire numéro 2, c'était un continuum. Oui. Donc, il y avait déjà eu un certain appel d'air fait. Oui, et c'était pour ça que c'était intéressant de battre le fer, oui, tandis qu'il était chaud. Ceci étant, un QCM, c'est tellement plus facile à faire que le fait d'avoir à écrire et réfléchir. Ah, mais complètement. Mais oui, ça aussi, c'est des choses qu'on avait envisagées, toi et moi, si tu veux. Oui. Bien sûr, mais ça, j'en suis intimement convaincu. Non, moi j'ai peur, ma peur, tu la connais, tu la connais depuis quasiment presque le départ. Je ne voudrais pas que tous nos efforts soient anéantis, voilà, ça serait dommage, quoi, ça serait dommage. Anéantis, quoi? C'est-à-dire que les gens s'en aillent? Ah non, c'est pas qu'ils s'en aillent, ils ne sont pas venus. Oui. Ils ne sont pas encore venus, mais c'est qu'ils restent maintenant, si tu veux, bon, hein, qu'ils viennent et qu'ils restent. Parce que après, une fois que tu as les réponses, ben c'est intéressant de voir ce qu'ils ont envie de faire. Parce que, je sais pas, moi. C'est quand même, on est quand même dans un contexte très, très particulier. Hein. Je peux même pas les réunir sur le terrain, alors que j'avais envisagé de le faire. Ouais. Mais je pense que c'est bien de le faire comme ça. Parce que si tu les avais réunis sur le terrain, ça aurait, me semble-t-il, été un peu compliqué. Mais bon. En tout cas, quand on y est passé avec Sylvie, on a eu un maximum de... Enfin, pas mal de gens qui sont passés. Hein. Donc, ceux qui étaient dans le secteur, en tout cas. Hein. Oui, mais attends. Revenons au questionnaire. Bon, écoute, je t'ai dit et redit, hein, mon sentiment sur cette affaire. Mmh. Je ne voudrais pas que tu aies, que nous ayons, parce que moi aussi je me suis quand même bien impliqué là-dedans, réaliser tout ça en pure perte, quoi. Non, moi j'y crois, je ne crois pas que ça soit en pure perte. De toute façon, c'est un truc, je dirais, la locomotive, c'est moi. Alors, la locomotive, elle sera toujours là, même s'il n'y a plus de wagon. Bah ouais, mais une locomotive sans wagon, bon. Ça peut dérailler assez vite aussi. Ça va trop vite. Non. Je sais pas. Moi, en matière... Voilà. Bon, écoute. Je t'ai dit ce que je pensais. Maintenant, c'est toi le boss. Hein, j'arrête pas de te le dire. C'est toi le boss. Mais attention. Attention. D'accord ? Oui. Bon, ok. Alors, maintenant, je souhaiterais te confirmer que pour une raison que je ne comprends pas, le jardin merveilleux n'est toujours pas référencé par Google. Là, ça commence... Toi, tu vas me dire, ça t'arrange ? Non, je dirais que... C'est pas que ça m'arrange, parce que je ne fais pas d'idées. Je ne me suis jamais posé de questions, même pour le site de l'ARIA, tu vois, de savoir qui allait dessus, faire des statistiques, etc. Mais je ne suis pas à faire des statistiques. En gros, c'est si vous avez envie d'avoir des informations, vous allez sur le site. Nous sommes d'accord. Et je donne le site, et par contre, celui qui le cherche, c'est vrai qu'il ne le trouvera pas. Voilà, celui qui le cherche, il ne le trouvera pas. Alors, par contre, moi, ce que je souhaiterais, c'est que maintenant que les questionnaires sont lancés, que les outils sont quasi en place, à mon sens, ça vaudrait le coup que tu te repenches sur le jardin, sur le site du jardin, de façon à... Ça aurait été plus simple si on avait ces foutues réponses. Mais on ne les a pas. Parce que avec les réponses, tu pouvais causer sur le site. Tu pouvais dire des choses qui étaient pertinentes et qui auraient un meilleur impact que ta propre croyance seule. Mais bon. Donc, je pense que ça vaudrait le coup que tu... continue de travailler sur ce jardin merveilleux, je veux bien t'y aider, je ne sais pas comment, mais je veux bien t'y aider en matière de relecture, en matière de compréhension, en matière de... Voilà. Mais on ne peut pas laisser ce site comme ça. Oui, tout à fait. C'est pas possible. Et je pense que ça pourrait être un outil, si tu veux... Ça pourrait être un outil, et toi-même, tu as voulu t'en servir en créant sur le site, parce que tu as fait une chose, tu as fait la création d'une page qui est absolument invisible. Invisible ? Oui. Ah oui, parce qu'en fait, comme on n'a pas tout, toutes les pages ne peuvent pas se, voilà. se mettre là-haut. C'est pour ça que je te dis que c'était invisible. Mmh. Bon. Bon. Alors, je vais sur questionnaire numéro 2, aide. Alors, déjà, numéro, je mettrai bien un indice. Qui était pas. Voilà, numéro 2. Bon. Alors, c'est un peu confus ma démarche pour l'instant parce que bah, je suis un peu gêné, moi, vis-à-vis de toi, si tu veux. Je suis gêné parce que, et je ne m'en cache pas, j'ai pas la même approche que toi des choses, oui. si tu veux. Bon. Et je pense que ton approche peut en dérouter certains. Oui. Mais quand je te dis ça, tu me réponds, c'est pas grave, c'est mon approche et c'est comme ça que je vois les choses. Je le respecte. Je le respecte. Mais il ne faut pas s'étonner si certains sont déroutés. Donc, si tu fais un site de communication et si ce site a également pour vocation de dérouter certains, dérouter certains, et que tu l'acceptes, bon, c'est une chose. Mais en matière de communication, voilà, je pense que on va lui envoyer, on va perdre un petit peu de... On va perdre un peu de punch. Oui, bah, je t'entends. Ouais, tu m'entends. Bon. Alors, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu es tout à fait libre de maintenir ta position. Mmh. C'est quelque chose que j'accepterais. Mais il faut bien comprendre les conséquences de ta position. Oui, mais là, ça, je les connais depuis déjà un moment, les conséquences de ma position. Alors, si tu les connais, là, tu m'offres une petite brèche, là. Si tu connais ça, quel vecteur veux-tu donner à ton association Jardin Merveilleux, ou à ton association, ou à ce regroupement du Jardin Merveilleux, quoi, si tu veux. Parce que si c'est pour faire de la collaboration de toi vis-à-vis de toi-même, ok, ça, ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux communiquer vers les autres, c'est ce qui m'avait semblé, c'est ce que j'ai voulu comprendre, si tu veux communiquer vers les autres, je pense qu'il faut modifier certains registres. On se fond dans la masse avec des... Non. Quand tu tapes jardin, tu tombes sur jardin, sur garden, sur comment faire un jardin et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Mais ça, je le sais pertinemment. Ouais. C'est pas de ça dont je te parle, moi. Alors, c'est pas de ça dont je te parle. Moi, je te parle, je te renvoie à ce que je t'écrivais. Alors, je suis en train de chercher mon mail dans lequel je te disais, t'as du temps, montre-nous la voix, quelle voix tu veux donner. Mais il faut avoir une voix qui soit claire et audible. Et ce que je mets dans la page questionnaire 2 aide, ça ne suffit pas. C'est pas encore assez pratique, c'est ça? T'es déroutant quand même. T'es déroutant. Y a plein de choses à dire. Ce qui me gêne dans cette aide, c'est que tu fais monter tout de suite ta fusée vers le divin. Mais t'as pas décollé, quoi. T'as pas décollé. Il n'empêche que quand tu regardes la question 1, réponse 1, on n'est pas dans le divan. Montrez-le. Non, là, ça allait. Mais attends, c'est pareil. À la question 1, pour un jardin significatif, pour vous, un jardin signifie plutôt quoi, etc. Toi, tu réponds, montrer l'eau dans tous ses aspects. Mais tu parles d'un jardin et tu es tout de suite allé dans l'eau. Et que pouvez-vous imaginer pour créer un tel espace de bien-être? La nature y est-elle essentielle, et quelle nature? Voilà. Mais moi, la nature est essentielle, et quelle nature? D'accord. Ça, c'est bien. La question est bien posée. Mais l'eau est un élément de cette nature. Ce n'est pas que l'eau. Oui. Ce qui donne une place à ceux qui veulent répondre autre chose. Ben oui. Moi, je voudrais développer l'eau, mais il y en a d'autres peut-être qui vont vouloir développer quelque chose, autre chose. Eh ben, il faut leur dire. Puisque tu es à faire une aide, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Si tu veux. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dis, moi, pour ma part, je pense que l'eau est un des vecteurs importants, etc. Et c'est ce que j'aimerais développer, et comme ci et comme ça. Mais pour vous, il peut en être autrement. Oui, mais là, c'est une réponse. C'est un exemple de réponse. Alors si, du coup, je change et je mets pas mes réponses. Je m'adresse à eux. Là, je m'adresse pas à eux, je m'adresse à celui qui pose la question. je sais pas, c'est toi qui fais l'aide. Si tu veux, je reprends. Moi, je t'ai dit, à mon sens, c'est trop compliqué tout ça. Allons à des questions plus simples qui apporteront des réponses plus concrètes. Et là, quand je te dis ça, ouais, mais moi, je ne veux pas me fondre dans la masse, être dans le trop concret, dans la moyenne, etc. etc. Bon. Donc, il y a un juste milieu en tout, si tu veux, Philippe. Il y a un juste milieu en tout. Bon, maintenant, tu pars du principe que tu veux faire une aide. Bon, on va voir si ça répond. C'est peut-être moi qui ai tort. J'ai pas la presse. J'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Mais il y a une chose dont je suis quasiment sûr, si tu veux, c'est quand tu à la question 2, tu dis pour moi le merveilleux ne peut venir que du divin. La nature faisant partie de ce divin, issue de ce divin, là c'est trop pour moi. Là c'est trop pour moi, je décroche et je ne vais pas plus loin. Donc, mais c'est Claude Black Belair qui te parle comme ça. Je suis pas comme tous ces gens que tu connais mieux que moi. Et peut-être que je me trompe. Mais je pense pas que je me trompe parce que la nature humaine, tu sais, je l'ai quand même pratiquée pendant 40 ans de ma vie professionnelle, hein, à sculpter dans la chair matin, midi et soir. Et voilà. Donc, voilà, ma sensibilité ne m'amène pas là. Alors moi, ce que je peux faire là-dedans, c'est de dire, alors, c'est pas ma réponse que je mets, c'est une aide à la réponse des autres. Là, moi, je donnais un exemple de réponse. Alors, c'est vrai que ce genre de procédé que je faisais avec les élèves, on discutait après. C'est-à-dire, j'apportais une réponse perso, et ils prenaient position par rapport à cette réponse perso. Et lorsqu'ils ne comprenaient pas, je pouvais expliquer. Là, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de... On n'a pas le temps ni l'espace pour expliquer parce que il faut lire et quand il y a trop de choses à lire, on lit pas. Donc, mais dis-moi, tes élèves, ils étaient ils passaient uniquement par le truchement de ta réponse ou ils pouvaient avoir leur propre réponse à eux? Ah non, ils avaient c'était pour aider ceux qui n'avaient pas d'idée, en gros. C'était pour arriver à qu'on appelle le réencrochage, c'est-à-dire des gens qui ont décroché par rapport à l'idée de base et qu'il faut réencrocher, donc il s'agit de trouver un autre moyen. Alors, soit on propose une solution et on discute sur la solution, mais au moins on a une solution de départ ou une proposition de départ à discuter. D'accord. Et c'est vrai que quand tu as des gens qui sont dans la réaction, là ils peuvent te rentrer dans le lard. C'est un risque, tu comprends, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la proposition que tu as faite, mais au moins ils commencent à prendre position, alors qu'avant en fait ils ne faisaient rien du tout. Et je sais que parmi les gens qui font partie de cette équipe, il y a des artistes. Eux, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise. Là, eux, ils ont déjà des idées, ils m'en ont déjà parlé d'ailleurs. Il faut seulement qu'ils arrivent à l'écrire, qu'ils prennent le temps de l'écrire. Mais ils n'ont pas besoin de moi. Eux, ce sont des imaginatifs, déjà. Des créatifs. Voilà. Des créatifs depuis longtemps. Par contre, pour le tout un chacun, quand je discute par exemple avec les Dujardin, eux, ils n'ont rien, mais alors rien comme idée. C'est ratable, quoi. Donc, je les invite à prendre position par rapport à ce que je dis. Du coup, il y en a une qui dit oui, et puis l'autre qui dit « je comprends rien ». Bon, du coup, il faut prendre une autre possibilité pour la deuxième, quoi. C'est un peu ça, c'est comment arriver, c'est... je dirais qu'on en revient encore à ce que j'ai quitté, c'est la pédagogie différenciée. C'est ce que fait Sylvie actuellement avec tous ses élèves. À savoir que, ben, un truc commun, il y en a qui mordent et puis il y en a qui ne mordent pas du tout. Alors moi, je veux bien, en fait, modifier la réponse en disant à faire de l'invite. Dire, voilà les possibilités A. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne suis pas sûr, mais je veux bien essayer. Non, non, mais... Là, tu me parles de la méthodologie. Oui. Et toi, tu te places au niveau du fond, c'est-à-dire de ce qui est écrit, qui risque d'aller trop loin dans le fond, quoi. Oui, parce que ce qui est écrit, les gens prennent ça pour argent comptant. Et c'est un peu logique. Alors, il ne faut pas que je mette réponse 1. Il faut que je mette ma réponse serait, et puis derrière, mais il peut en être autrement. Mais, alors, attends. Est-ce que tu crois pas qu'on arrive à quelque chose de tellement complexe qu'on n'aura pas vraiment de réponse? Même si tu donnes tous tes exemples, etc. Le problème... Il est où? Il n'est pas... La solution au problème, elle n'est pas dans la qualité de la suggestion que tu vas faire. La réponse à la question, c'est déjà de poser la bonne question. C'est que si la question est tellement alambiquée que les gens ne la comprennent pas, que tu dois en donner, faire des suggestions, tout ça, c'est... Tu comprends? Donc les questions, on les a conçues ensemble, hein, et les questions, donc, sont à refaire. Alors, peut-être que les questions sont à refaire. Oui, non mais attends. Les questions qu'on a conçues ensemble, on... Est-ce que moi, je n'ai pas conscience d'avoir... Pour vous, un jardin signifie plutôt quoi, etc. Eh bien, écoute, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé. Tu avais des réunions, quand tu faisais le compte-rendu, tu t'apercevais que ça n'avait ni queue ni tête et que ta réunion, ben, elle n'était pas bonne. Voilà, bon. Alors, six mois, j'ai été l'artisan, je prends la première question, pour vous un jardin signifie quoi? Je me souviens d'avoir été cet artisan. Vous avez préféré, lorsque tu dis vous avez préféré en majorité un lieu hors du contraire, des contraintes et du temps, nous rapprochant de la nature, ça c'est... Déjà un appui, c'est à la fois la justification de ta question et à la fois un appui pour la réponse. Oui. Moi, je ne suis pas conscient d'avoir fait ça. Que pouvez-vous imaginer pour créer un tel espace de bien-être? Ça, je pense avoir fait ça parce que ça, c'est dans ma nature. La nature y est essentielle et quelle nature, concrètement? Effectivement, nous avons parlé de nature, c'est vrai, nous avons parlé de nature, et j'ai posé la question de savoir quelle nature il fallait mettre. Bon, mais il n'en reste pas moins que, tel que ça a été gravé dans le marbre, ça me paraît abscon. Je sais que les questions, la suite des questions, c'est-à-dire celles qu'on a fait pour le questionnaire 2, elles peuvent prendre la tête. Ça, c'est clair. Hein. Mais qu'est-ce qu'on voulait? On voulait savoir, en un mot... Attends. Je reprends les questions, parce que je reprends même le questionnaire. Attends, oui, il est ce questionnaire. Jardin merveilleux, j'ai perdu mon questionnaire. Le 1? Non. Parce que je me perds. Je, je suis en train de me perdre. Je suis en train de me perdre. D'un côté, on a le jardin. Après, on a le merveilleux. Après, on a le bonheur. Après, on a le jardin merveilleux. Ouais, je parlais par le biais des questions, j'essaye de me remémorer ce qu'on s'est dit, si tu veux. Finalement, pourquoi le jardin merveilleux? Parce que qu'est-ce qu'on voulait savoir? En tout cas, moi, ce qui m'intéressait, je vais te dire ce qui m'intéressait moi. Après, tu me diras ce qui t'intéresse toi, et si on est bien en phase. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce que les gens voulaient trouver dans leur jardin. Qu'est-ce qu'ils voulaient avoir? Et après, pour que ce jardin, qui est jardin, il devienne merveilleux, qu'est-ce qu'il leur fallait en plus? Tu comprends? Après, l'histoire du bonheur, bon, je n'ai pas souvenance d'avoir parlé du bonheur, mais bon, je continue. Après, jardin merveilleux, c'est la synthèse. Alors, vous savez, quelles compétences? Oui. Donc, oui. Et alors, dans les compétences, ça c'est ton truc à toi, parce que moi, je n'ai pas cherché à mettre, à vouloir faire développer ce qui avait été mis en sourdine, etc. Non. Bon, je reprends. Moi, ce qui m'intéresserait, si j'étais à ta place, mais je ne suis pas à ta place, donc on fait en sorte que je sois à ta place dans l'affirmation que je vais faire. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel genre de jardin les gens veulent trouver. Qu'est-ce que, dans ce genre de jardin, qu'est-ce qui pour eux va transformer ce jardin en jardin merveilleux? Le bonheur, j'en parlais pas parce que j'en parlais pas du bonheur. Bon, voilà. Ensuite, et jardin merveilleux, ben voilà, qu'est-ce que... Moi, c'est... S'il y a une seule question à garder, c'est pour vous, un jardin merveilleux, ça signifie quoi? Mais je suis d'abord dans l'opératif avant de passer dans le spéculatif. Tu comprends? C'est cette partie-là qui me manque, moi. Qu'en est la partie spéculative à laquelle tu es particulièrement attaché? Banco, je sais, moi aussi j'y suis attaché. Mais avant, il faut déjà avoir la partie opérative du jardin proprement dit. Tu crois pas? Que les gens te disent, voilà, j'aurai un jardin comme... rappelle-toi, on s'était même dit, ça va être la petite Madeleine de Proust. Ils vont nous dire qu'ils ont été à Versailles, qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça, et qu'ils ont été bien à tel endroit, chez leur grand-mère. Oui. Tu te souviens quand c'était dit ça? Bon, c'était du concret, quoi. À mon sens, ça va trop vite, quoi. Et ça les perd et ça les noie. Même ton gars d'Ushuaïa, là, il a fait l'impasse. Mais lui, il fait toujours. Bon, c'est pas le bon exemple. C'est pas le bon exemple. Mais les autres, ils répondent pas. Bon, je sais pas. Voilà. Vous voyez, d'accord. Bon, voilà mon approche, si tu veux. Et ça me paraît... Bon, qu'est-ce qu'ils veulent faire en un mot? Allez les gars, maintenant on se relève les manches et qu'est-ce qu'on fait? Oui. Et qu'est-ce qu'on fait en vue d'avoir une petite mutation en nous, du jardin vers le merveilleux? Il faut qu'elle ait lieu cette mutation, sinon le mot merveilleux, il n'a pas son sens. Mais je pense qu'il faut... Voilà, bon, je... Voilà, c'est bien, t'en as plus dit maintenant que les fois dernières. Ah ouais, c'est vrai? Ah oui, oui. Bon, mais tant mieux. Ah, tu voulais pas trop prendre position parce que tu craignais que ça m'écrase un peu. Bon, là, en deux phrases, hein, quel genre de jardin les gens veulent trouver? Qu'est-ce qui va transformer ce jardin en jardin merveilleux? Voilà. Mais attends, donc, qu'est-ce que tu disais avant, là, que j'avais peur de quoi? Alors, est-ce que tu n'avais pas peur de m'écraser trop dans les précédentes discussions? Non, j'ai pas. J'ai l'impression que tu tournais un petit peu autour du pot. Je tourne autour du pot parce que... Je vais m'expliquer parce que tu as raison. Et puis d'ailleurs, ça sent. Quand je tourne autour du pot, je me cherche, etc. Ouais. Je perds ma spontanéité, si tu veux. Et pourtant, je suis un garçon assez spontané. Mais effectivement, si je tourne autour du pot, c'est que je ne suis pas toi. Je peux t'aider parce que j'ai la prétention de connaître un peu la nature humaine et savoir comment mes congénères comment ils se comportent, si tu veux. Mais je veux avoir l'honnêteté intellectuelle de pouvoir te dire que c'est toi le boss. Moi, je suis là en conseil, si tu veux. Mais c'est toi le boss. Oui, et moi, ce que j'attendais de toi, c'est que, je vais être un peu brut, un peu brut, vas-y. De décoffrage, dire, bon, écoute, ton questionnaire numéro 2, là, me fait chier. Voilà, j'ai pas... Mais je te l'ai dit gentiment. Je te l'ai dit gentiment que j'avais eu beaucoup de mal à y répondre. Et maintenant que tu me le dis, il est chiant ton questionnaire, c'est vrai qu'il est chiant, voilà. Mais il a été chiant pour moi aussi. Eh ben voilà, mais chiant à faire et à y répondre. mais c'est ce qu'on s'était dit à un moment donné. C'est pour ça que tu m'as dit je vais le reprendre. Bon, je me suis dit banco. Ben là, tu me dis je ne reprends pas du coup qu'on fait, je fais une aide. Bon, ok, mais je pense que l'aide est plus compliquée encore que le reste. C'est pour pouvoir aller plus loin, c'était déjà donné une idée des réponses qui avaient été données en matière en majorité, et ensuite donner un peu plus de possibilités aux gens d'imaginer. Et là, j'ai l'impression que l'imagination n'est pas forcément au rendez-vous. Non. Surtout dans ces moments, comme tu as dit, où là, effectivement, parce que tu as la temporalité contre toi, là, parce qu'effectivement, le déconfinement, ça vient plomber un peu la démarche. Ça, je suis d'accord, mais pas complètement, mais ça ne la plombe pas complètement. Non, je pense qu'il faut, et encore une fois, c'est ce que je t'ai déjà dit, il faut faire vite avant que les gens ne répondent. Parce que s'ils répondent et puis que, en fin de compte, les questions étant tellement alambiquées qu'on n'est pas quelque chose de clair et que tu sois obligé de faire un questionnaire numéro 3, là, tu es sûr qu'ils t'envoient dans les roses. Là. Bon. Bon, mais voilà, et puis effectivement, si je suis un peu comme ça, c'est que j'essaye d'avoir une certaine honnêteté intellectuelle vis-à-vis de toi. Mais oui, mais c'est vrai. On serait dans une vie professionnelle. Ça serait différent. Ah, complètement. Là, ça serait déjà fini. Là. Ça serait déjà fini. Alors, oui. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que tout comme toi, je ne veux pas qu'on rentre dans la moyenne. Je ne veux pas ces idées, ces nécessaires idées où l'homme a besoin de se situer dans une démarche moyennée. Non, il faut que le corps et l'esprit exultent. Hein? Mais pour qu'il exulte, il faut qu'il y ait un appel d'air, quoi. Et cet appel d'air, eh ben, c'est d'être direct, c'est de regarder les gens droit dans les yeux et puis les amener à se vider complètement, à se sortir de cette gangue dans laquelle ils sont aujourd'hui inscrits les uns les autres, et où nous sommes tous inscrits, parce que on parle des autres, c'est facile, mais les autres, ça commence par soi-même. Hein. Oui, on est déjà dedans. On est de toute façon dedans. Ben voilà. Donc, faut les aider à se sortir de la gangue qui leur encombre l'esprit. Il y a une chose en fait qui était. Il y a eu un point qui me paraissait assez essentiel, que j'avais déjà mentionné dès le départ là-dedans. C'est l'idée que le jardin merveilleux, ce n'est pas un jardin où on qu'on obtient à grand renfort de gros sous. Oui, mais ça tu l'as dit, tu n'arrêtes pas de le dire et on est tous d'accord. Oui. Mais ça veut dire que chercher à comparer. En fait, avec d'autres jardins dans lesquels on s'est promené à droite ou à gauche, aussi fantastiques qu'ils puissent être, parce que en fait, on a investi énormément de moyens dedans, ce n'est pas la démarche non plus. Alors, quand je te parle, ne raisonne pas toujours au premier degré. D'abord, c'est non, quand je te parlais de la petite Madeleine de Proust, que je te citais Versailles, j'avais aucune idée de moyen, j'avais juste l'idée, et pour rien te cacher, je crois que j'ai dû aller une fois quand j'avais 5 ans à Versailles et je n'y ai plus remis les pieds de ma vie. Donc je ne sais même pas comment c'est foutu. Donc l'endroit où tu es bien, ce n'est pas forcément une question de sous. Il n'y a pas forcément une question d'argent. Le bien-être, ce n'est pas une question d'argent. Ça ne se monnaie pas, le bien-être. Mmh. C'est un statut qui elle tient à un instant T, parce que tu es dans telle perspective et ton environnement t'enveloppe dans cette perspective et que tu t'y sens bien. Mais je suis d'accord. Le problème, c'est d'arriver à faire parler les gens de cet endroit où tu te sens bien. Eh bien, pose-leur la question. Eh bien, pose-leur la question. Est-ce qu'il y a un endroit dans lequel vous êtes bien senti? Vous êtes bien senti. Ben voilà. Oui. Mais ça, il me semble qu'on en a déjà parlé, hein, au moment de la petite Madeleine de Proust. Bon, voilà. Alors, maintenant, je suis à la recherche du dernier mail que je t'ai envoyé, dans lequel je répondais à ton petit coup de blues, là. Toi, t'as eu un petit coup de... on a tous des moments de découragement. Je te comprends. Et je voudrais reprendre un mot ou deux pour te mettre... alors, jardin merveilleux, voilà. Ah oui, le monde d'après. Alors, je t'avais parlé du monde d'après. Mais bon, avant le monde d'après. Ouais, je te disais, regarde autour de toi les initiatives très positives prises par certains de nos congénères. Et ça, congénères, il y a un S. Par contre, ça, c'est des choses. Il y a des choses très très bien qui se font en ce moment. Mmh. Voilà le monde d'après. Pour toi, me semble-t-il, c'est le moment de peaufiner ton merveilleux pour le rendre accessible aux plus humbles d'entre nous et le faire partager par ta future petite équipe. Moi, je crois que le site peut t'amener, le site internet hein, du Jardin Merveilleux, peut t'amener et être un excellent outil pour toi de façon à commencer à ouvrir la route vers le merveilleux. Ça, tu ne l'as pas utilisé. Tu te dévoiles pas assez. Alors, est-ce que tu le fais pas par pudeur? Est-ce que pour toi le merveilleux, il est comme peut-être pour beaucoup encore en cours de construction, donc tu peux pas l'affirmer. Mais il y a quand même une chose qui me paraît importante, c'est que ce merveilleux, et ça je te l'ai écrit en caractère gras, doit te permettre d'ouvrir les champs de conscience pour que chacun puisse venir y puiser son merveilleux. Ouvrir les champs de conscience, donner envie, élargir le spectre de vision de tout un chacun, qu'il puisse, à travers sa propre conscience des choses et sa faculté qu'il va avoir de s'ouvrir et d'ouvrir encore plus cette conscience et de l'ouvrir à eux-mêmes mais aussi aux autres. Moi je crois que ça peut être un très très bon vecteur, tout empreint de spiritualité et qui donne vraiment envie. Et là tu vas y retrouver des amis sur lesquels tu pourras t'appuyer pour bien construire ton merveilleux, ton jardin merveilleux. Tu crois pas? C'est pas une question de croire ou de ne pas croire. C'est comment dire ça? Le merveilleux est-il en train de se construire? Bon. En toi. Oui. En fait, la notion de merveilleux est déjà inscrite en moi. Le problème, c'est qu'elle n'est pas audible. Elle n'est pas. Apparemment, quand je m'exprime par écrit, elle n'est pas compréhensible. De moi. Mais ah. Peut-être d'autres. Oui, je ne sais pas. C'est aux autres qu'il faut poser la question. C'est pas. C'est compréhensible, en fait. Ça peut être compréhensible, mais ce n'est pas. Pour pas mal de gens, ce n'est pas réaliste. Voilà. C'est que je suis déjà dans un. Je suis dans un. Est-ce que c'est un imaginaire ou... Dans une autre sphère, tu es dans une autre dimension. Une autre dimension. Parce que tu as fait le cheminement, tu l'as fait ce cheminement-là, mais autorise les autres à venir te rejoindre, donne-leur les moyens. D'autant. Et pour autoriser les autres à venir te rejoindre, eh bien, il faut qu'ils changent de plan. Il faut que les champs de conscience s'ouvrent et que, par cette ouverture, eh bien, ils puissent changer de plan, marche après marche, pour venir te rejoindre dans ton merveilleux. S'ils en ont envie. Mais je pense qu'il faut leur donner envie. Je pense qu'il faut leur donner envie. Et le site est un super bon moyen pour donner envie. C'est là que j'ai du mal. Ouais. Parce qu'au niveau, Internet, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses sur, en virtuel, y compris, oui, comprenant d'ailleurs pas mal de choses qui sont complètement irréelles et pas réalistes du tout, mais qui sont quand même montrées. Exemple. Ah bah, je sais pas, tu regardes, si tu vois à la télévision des gens qui volent, tu vois très bien que dans la rue, il n'y en a pas qui volent. Ouais. Mais il y a toujours eu des gens qui volaient partout. Il y a toujours eu des fées, des anges, des ci, des ça. Mais quand tu m'attraques là, t'as des blockbusters là, qui montrent des gens qui sont super, super costauds, qui sont fantastiques. On se demande pourquoi en fait c'est pas eux qui gagnent aux Jeux Olympiques, parce qu'ils vont tellement vite, et tellement haut, tellement fort, etc. Tu montres ça au cinéma avec un visage de tout à fait crédible. Comment veux-tu que tu regardes le ciel bleu qui est devant, en fait ? Ah ben, alors là, je ne te comprends pas. Là, tu es en train de perdre la foi. Tu es en train de perdre la foi. Parce que je ne t'ai pas connu comme ça, et à mon tour de te dire que je me suis... laissé tenter par ce merveilleux sous-jacent qu'il y avait en toi. Je l'ai senti, mais bon, c'était, y a rien de clair dans tout ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon voilà, on va faire un site et puis peut-être que les choses vont commencer à se clarifier. Bon, non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas... Bon, parce que c'était un peu tôt. Mais maintenant, si je prends nous deux, là, où on peut se parler droit dans les yeux, parce que ça, c'est un des avantages d'Internet. Bon, certes, il n'y a pas le charnel, mais je te vois derrière ton écran, derrière tes lunettes, et je vois quand tu... je te vois à ton expression, quand tu es réceptif, pas réceptif, comme dans un échange normal, quoi. Tout à fait. Bon. Et... Moi, je crois que à travers les quelques heures qu'on a passées de façon charnelle chez moi, on a échangé un certain nombre de choses et tu m'as donné envie d'aller vers ton merveilleux. Parce que si tu ne m'avais pas donné envie, crois-moi bien, on ne serait pas en train de parler maintenant. Bon, mais je pense que cette envie-là, maintenant il faut y aller, quoi. Et quand il faut y aller, il faut se donner les moyens de rejoindre ce merveilleux. Et pour moi, les moyens pour rejoindre ce merveilleux, le jardin en est un excellent vecteur. Ne me frustre pas. Ne me frustre pas, fuste pas non plus les autres. Non, il n'y aura pas. Moi, je dirais que là-dedans, j'alimente la discussion, surtout parce que justement, tu m'interroges sur cette accessibilité. C'est comment, je reprends la phrase, c'est donner envie, donner le moyen de rejoindre. Oui. Là, il faut que je travaille là-dessus. Oui. Mais j'ai la chance de discuter avec toi, mais je pense que les 25 autres là qui sont sur ta liste mail n'ont pas cette chance-là. Bon. Oui. Moi, je profite de cette chance. Je dirais même qu'à certains moments, je peux en abuser parce que quand ça fait mal, je te le dis. Quand tu ne vas pas assez loin, je te le dis. C'est bien ça. C'est bien là que je t'attendais. Bon, voilà. Mais rends-moi cette justice que j'ai toujours été comme ça avec toi. Bon. Quelquefois, de façon un peu alambiquée, parce que je ne veux pas trop interférer. Voilà. Non, je pense que... Et de te pousser, entre guillemets, à produire du merveilleux sur ton site, à produire ce cheminement vers le merveilleux et le rendre accessible, ben là, tu feras réaliser la prophétie que tu as en toi. Mais pour l'instant, tu n'es qu'un demi-prophète. Y avoir du merveilleux sur un site web. Bien sûr qu'il peut y avoir du merveilleux sur un site web. Il y a des choses sur le net, tu as des choses dégueulasses, des choses merveilleuses, des choses médiocres, des choses... T'as tout. T'as la reproduction du monde dans lequel nous vivons. Ça va, tu le sens mieux? C'est l'approche qui est intéressante. C'est toujours le chemin qui est intéressant plus que le but. Ça me ramène en fait à... Ça me ramène à quelques années en arrière. C'est-à-dire que, moi j'ai cru, je me suis beaucoup investi dans l'Internet, dans la formation ouverte à distance, bien avant de pas mal d'autres. Et en fait, à jouer des coudes, je me suis pris les claques aussi, parce que en fait, les gens ne voulaient pas. Ils avaient une réaction, ils ne voulaient pas rentrer dedans. Et puis maintenant, en fait, je m'aperçois qu'ils sont dedans. Qu'ils sont rentrés dedans. Et non seulement ils sont rentrés dedans, mais ils ont pris les outils que j'avais fait à l'époque, et qu'ils avaient dénigrés à l'époque. Et ça, j'appelle pas ça du merveilleux. C'est un merveilleux. C'est un chemin de croix pour moi, mais, ce genre de choses. Oui, mais. Si le chemin de croix c'est merveilleux, c'est pas rigolo quand même. Hein. Bah, ça se saurait, hein. Les chrétiens en savent quelque chose. non, mais. Attends, mais pourquoi tu parles de ça? Pourquoi? Parce que c'est souvent que tu fais des retours en arrière, et essentiellement sur ta vie professionnelle, et cette vie professionnelle, si j'ai bien compris, elle s'est mal terminée, quoi. Ça, c'est, bon, et tu es sorti de là insatisfait. Oui. Bon. Mais... Et est-ce que ça voudrait dire que si tu es sorti de là insatisfait, tu penses trouver un satisfait site dans le merveilleux? Là, je ne suis pas trop dans la question. Je dirais que j'ai toujours cherché du merveilleux. J'ai pas mal fait, en fait, en matière de site web ou d'accompagnement pour émerveiller et... je dirais qu'à certains points de vue, on pourrait dire que le merveilleux a été atteint, puisque en fait, les gens dont je me suis occupé ont réussi derrière, enfin, étaient contents, étaient heureux. Tu parles de tes élèves ? Oui. D'accord. Qui sont grands maintenant. Oui, oui, oui, oui, mais j'ai bien compris. Ils sont grands et qui sont revenus lors de journées portes ouvertes pour dire qu'ils étaient contents, enfin voilà. Je pourrais me satisfaire de ça, mais en fait, c'était pas le merveilleux auquel j'aspirais. On parle pas du même, là. C'est pas le même. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Mais par contre, la recherche de ce merveilleux, je dirais, un peu plus costaud à obtenir, a fait que ça a fait des petits derrière. Et ça, c'est le côté un peu satisfaisant. Mais ça ne m'a pas fait atteindre le merveilleux. Voilà. Mais est-ce que il est important d'atteindre le merveilleux? Il est important de le viser. Est-ce que la quête n'est pas plus importante que le but? Oui, c'est ça. Bon. C'est le chemin. C'est le chemin. Bon. Eh bien, est-ce que tu es capable de mettre des mots pour définir ton chemin ? Est-ce que ton chemin, tu ne peux pas l'expliquer et donner envie aux autres de te rejoindre sur le chemin? D'abord, je ne sais pas s'il faut qu'ils te rejoignent, mais de tous aller dans la même direction, sur le même chemin. Le chemin, c'est déjà les moyens que j'ai parlé d'essayer de s'extraire de cette contrainte financière, c'est déjà une partie du chemin. Mais ça, je l'ai fait peut-être un peu brutalement. Sur le site de l'arrière, j'explique la chose. Par contre, c'est vrai que si tous ceux qui sont allés là-dessus étaient d'accord avec le principe, quand il s'agissait de rentrer dans le vif du sujet, c'était moins évident. Dès que, en fait, tu te sens directement concerné, c'est pas du tout facile. Ben non, c'est pas facile. Non. C'est pas facile, il faut voir. Mais c'est d'autant plus difficile que le chemin est pas très très bien tracé. Bon, alors. Je pense qu'il y a un tracé à faire, à montrer, à démontrer, et les autres vont te suivre si tu es dans une démarche crédible. Le tracé de chemin. Ok. Je pense que je vais pas beaucoup dormir cette nuit. Bah, moi, j'espère que je vais bien dormir parce que j'ai mal dormi la nuit d'avant. Bah oui, bah c'est bien, tu m'as lancé la balle, maintenant c'est ma fille. Ah, bah voilà. Mais on peut se réveiller au petit-déj de demain matin, voir si Dropbox Paper marche. Déjà. Non, mais tu sais, c'est vachement important d'échanger. Et puis, on est sur une des complexités de la chose, et là, je te rejoins bien, je ne mettrai pas ça sur le tempo du merveilleux, mais il est extrêmement difficile de faire dans l'abstrait de façon numérique. C'est très compliqué et on n'est pas du tout préparé à ça et nos esprits ne sont pas préparés à ça. Alors que il va se passer des tas de choses, le monde d'après, celui dont je tentais de te parler dans mon précédent mail, ce monde d'après, si tu veux, va nous faire changer dans beaucoup de domaines et beaucoup de choses vont changer. Plein de choses vont changer. Bien. Bon, mais ça, on en saura un peu plus dans quelques mois. Mais regarde déjà, ces quelques mois-là, cette aventure de remettre 60 millions de personnes au boulot, jamais personne n'a fait ça en simultanéité comme ça. C'est d'une complexité rare, tu sais. Bon. J'ai mon frère qui m'a envoyé un petit message disant que les patrons suisses s'inquiétaient de voir que les gens avaient pris plaisir au confinement. Ah, mais c'est clair. Mais tu sais que c'est l'inquiétude de beaucoup de gens. Ouais. C'est l'inquiétude de beaucoup de gens. Mais c'est aussi des centres d'intérêt qui convergent dans ces directions-là. J'écoutais une conférence sur la grande finance. Et on posait à des financiers savoir ce sur quoi allait travailler la grande finance dans les jours, les semaines à venir. Bien, ils vont travailler sur deux, trois choses. La première chose, trouver la finance de la santé, refinancer le monde de la santé. Là, il a défailli ce monde-là, mais il a été abîmé par nos politiques et puis les financiers ont suivi. Hein, parce que, alors ils vont travailler sur le monde de la santé. Deuxième chose, ils vont travailler sur tout ce qui est virtuel, sur cet appétit qu'ont les gens, qu'ont découvert les gens, au grand dam de leur patron, qu'ils ne les pensaient pas capables de faire du télétravail. Les grands patrons ne pensaient pas que leurs salariés étaient capables d'être sérieux dans leur écran, devant leur écran chez eux. Et bien ça, ils en sont tombés sur les fesses. Voilà des grands thèmes, si tu veux, qui vont bousculer la société par la finance. Mais bon, pour l'instant, on y est encore. Hein. On ne peut pas faire autrement, malheureusement. Et je pense qu'il va falloir être extrêmement attentif à tout ça. Et bien sûr, on va s'apercevoir petit à petit que dans ce monde concret là dans lequel on rentre, hein, parce que la santé, il n'y a pas plus concret que ça, la finance, faut bien qu'elle trouve un os à ronger, donc elle va ronger un os sur la santé et sur l'informatique et sur tous ces réseaux qu'il va falloir sécuriser. Et là, il y a des enjeux colossaux. C'est pas innocemment que tu sais qui a fait le plus de profit pendant ces 2 mois. Bon ben, je sais qu'on a énormément utilisé Zoom. Oui. Voilà. Bon, Zoom, ça appartient à qui? Oui. Et ben voilà, les GAFA, les Google, Amazon et autres Apple. Se sont fait des choses en or, en or, en or, en or. Donc, voilà, c'est ce qui va se passer. Et donc là, on voit que le numérique, qui était très abscon pour beaucoup, le devienne un petit peu moins, va le devenir un petit peu moins, et on va pouvoir... capitaliser là-dessus et toi et moi on en est la bonne, hein, on est capable de d'avoir des idées un petit peu spéculatives là devant non pas Zoom mais Skype et je pense que c'est intéressant la question puisque tu as accès à ton banquier suisse là, demande-lui un peu comment ce qu'il pense un petit peu de l'évolution du monde de comment les choses vont évoluer. Mais je pense qu'il ne sera pas très très éloigné parce que j'ai écouté 2 conférences de banquiers qui parlaient de ça. Ce que je viens de te dire là, c'est eux qui en parlaient, hein, même pas moi. Voilà mon ami Philippe, voilà. Bon. Eh bien, ça a été une bonne... Bonne chose, les amis. Ah, ouais. Bah, les autres fois aussi. Quand je dis bon échange, c'est parce que ça me... Je te dis, je vais pas très bien dormir cette nuit, quoi. Bon, ah. Alors, je suis navré, mais très heureux à la fois d'être source de tes insomnies. Voilà, bon, tu vas aller faire ton petit tour à Paris la semaine prochaine, tu dis, hein, si tu veux. Oui, on part demain. Ouais, tu pars demain. Donc, mercredi prochain, tu seras revenu, peut-être. Je pense que oui. On ne sait pas encore si on ne sera pas chez notre fille, parce qu'on attend une réponse concernant cette peur. Mais je croyais que la nounou, elle ne voulait pas. Comme on devait y aller, parce que la nounou, elle ne veut pas garder le... Elle part en congé, donc... Il y a une impossibilité, quoi. En gros. Elle part en congé, mais elle ne veut pas de vous pour ce sujet. C'est ça, oui. Ouais, d'accord, ok. Bon. Eh bien, écoute, quand on sait un peu plus, tu me dis, parce que moi, j'ai un emploi du temps qui se rétrécit aussi un petit peu en ce moment. Et donc, qu'on puisse tous bien s'organiser et avoir des discussions fertiles. Ciao. Salut. Allez, ciao. Au revoir. Au revoir.